السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد on est toujours dans l'explication des نواقض الإسلام de Sheikh الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. Et on avait dit en guise d'introduction qu'on avait dit, on avait expliqué pourquoi, on ne va pas revenir là-dessus. On est arrivé toujours, et on est toujours dans le septième annulatif, qui concerne al-sihr. Et j'avais dit qu'on terminerait normalement en trois ou quatre cours. Ben Allah Alam, ça va être en quatre cours, parce qu'aujourd'hui, on va presque terminer, on va arriver à la fin, mais on ne va pas tout finir. Wallahu A'lam. Et donc, le prochain cours sera la fin, Inch'Allah, vraiment la fin du septième annulatif, l'explication du septième. Et on rentrera à ce moment-là dans le huitième. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous voyez que petit à petit, alhamdoulilah, on arrive à la fin du livre Lillah, alhamdoulilah, minna. Donc pour les frères qui ont le même livre comme en arabe ici, donc c'est Nawaqid al-Islam de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mort en 1206 de l'Hijr, alayhi rahmatullah, expliqué par Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala, parmi les chiurs salafis contemporains, enseignants à la Mecque actuellement. Et on est arrivé à la page 153. Et on est arrivé, si je ne me trompe pas, au cinquième type de sihr. On avait dit que Cheikh, il avait cité une part de Razi, où il avait dit combien de types ? 8. D'accord ? On va les finir les 8 aujourd'hui, Inch'Allah. On repart devant le cinquième, sixième, septième, huitième. Et puis, on ne va pas terminer toute l'explication, comme je l'ai déjà dit. Donc, le Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il rapporte toujours la part de Razi, il dit... النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل قال وكان سحر ساحرة فرعون من هذا القبيل قلت أي القائل شيخ بزمول حفظه الله تعالى يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعسي فحشوها الزئبق فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. قلت أي شيخ بزمول ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. Et puis dans en bas de page, il a dit وفي أيامنا هذه جاء خبر مدعوم بشريط مسجل عن ظهور العذراء فوق كنيسة الوراق بمصر وتبين أنها باستخدام جهاز يظهر الصورة شعاعية ثلاثية الأبعاد وهذه هي حيل النصارى في كل عصر تتطور بحسبه. Donc on traduit déjà cette première partie, c'est la suite de l'explication du septième annulatif. Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve, continue son explication du septième annulatif en disant le cinquième type de sihr, c'est-à-dire le cinquième type parmi les 8 types qu'on va citer. Les actions étonnantes qui apparaissent du montage des machines constituées de proportions géométriques. comme le cavalier sur son cheval qui a à la main un clairon et chaque fois qu'une heure passe dans la journée, il l'annonce de son clairon sans que personne ne le touche. Et parmi elles, les images que font les Byzantins et les Indiens à tel point que celui qui les regarde ne différencie pas entre elles et l'individu, à tel point qu'il les, c'est-à-dire les images, font souriantes ou pleurantes. Jusqu'à ce qu'ils disent, et ça, par rapport au frère qui était le cours précédent, ça rentre dans quel type de sihr ici? Dans quel sens? J'ai entendu quelque chose, qui est, quelqu'un qui a dit quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il y a, on a dit toujours dans les termes, quoi, il y a toujours deux. Deux, il y a toujours dans les termes, il y a toujours deux. Deux sens. Et quoi? Vas-y, je vois qu'il y a des tentatives de. Hein, on n'ose pas trop se lancer, mais c'est quoi ici le sens ici? Hein? Non. Regardez ce que le shérif va dire. Il va dire que ces genres font partie des choses subtiles qui sont trompeuses. On avait rapporté ça dans la manière, dans le sens linguistique, al-ma'na al-lughawi. Et j'ai trouvé un meilleur mot parce que j'avais dit dans les 1, ma, la tofa sababuhu wa khafiya sababuhu. Et le mot la tofa, j'ai trouvé un meilleur mot que petit ou menu, c'est subtil. Donc la cause est quoi? Est subtil. C'est pour ça qu'on va le traduire de cette manière et il va le rapporter à la fin d'ailleurs aussi, inshallah. Donc il dit, ces genres font partie des choses subtiles qui sont comment? Trompeuses. Il dit, et le sihr des magiciens de Pharaon était de ce type. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Bazmoul, il fait référence à ce qu'ont dit certains exégètes du noble Coran, qu'ils, c'est-à-dire les magiciens de Pharaon, ont utilisé ses cordes et ses bâtons par rapport au verset qu'on avait cité dans le cours précédent, et les ont remplis de mercure. Hein? Ils ont remplis de mercure. Et donc ils ont commencé à se tortiller en raison de ce qu'ils contenaient comme mercure. Et donc celui qui les regarde a l'impression qu'ils se tortillent de leur propre choix. Razi, il a dit. Et dans ce registre, le montage des boîtes, des horloges, et entre dans ce registre la science du tirage des poids par des instruments légers. Il dit, et en vérité, il n'est pas convenable que cela soit considéré comme étant du registre du sihr, car ce sont des moyens certains et connus dont celui qui en prend connaissance en est capable. Et puis Cheikh Bazmoul dit, je dis, et dans ce registre, les ruses des chrétiens, et on va rapporter quelques-unes aujourd'hui, inshallah, comment ils arrivent à faire croire à la masse des chrétiens des choses qui sont tout simplement fausses. Hein, par des stratagèmes, par des ruses, par des asbab qui sont comment trompeux. Il y a des causes qui sont trompeuses. Et il dit dans ce registre les ruses des chrétiens envers les gens de la masse parmi eux. Puis il va donner des exemples. Il dit ce qu'il leur montre en termes de lumière, comme l'affaire de l'église de la résurrection, qu'ils ont à Jérusalem. C'est une église qui se trouve à Jérusalem, Bet Quds. D'accord? Et les ruses qu'ils utilisent pour y faire entrer en cachette des lumières dans l'église et allumer cette lampe par une technique cachée qui fait valoir auprès de des gens de la masse parmi eux. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à ce moment-là quand ils vont voir cette lumière qui s'allume sans cause qui est apparente? Ils vont dire que c'est un miracle. D'accord? Puis en autre bas de page, quand vous regardez, il dit, et de nos jours, hein, Cheikh Bazmoul, il donne un exemple qui est contemporain, il dit, une information a été diffusée et étayée par un enregistrement au sujet de l'apparition de la Vierge, Al-Adra en arabe, au-dessus de l'église d'Al-Warraq en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, hein, il y a des Arabes qui sont comment? Qui sont chrétiens, qui sont des Coptes. D'accord? Et il s'avéra plus tard que cette image fut par l'utilisation d'un appareil qui montre l'image en rayon en trois dimensions. Il a dit le shir thulathiyat al-ab'ad. Et telles sont les ruses des chrétiens qui se développent à chaque siècle en fonction des techniques du siècle. C'est-à-dire qu'il y a des ruses, des manières de tromper les gens afin de leur faire croire que ce sont des miracles et des apparitions. D'accord? Puis il dit, quant à l'élite, il parle de quelle élite? Pour voir si vous suivez un peu. Je répète la dernière phrase alors. Il dit, et allumer cette lampe, hein? Non, hein? Et allumer cette lampe par une technique cachée qui fait valoir auprès des gens de la masse parmi eux. Et puis il continue sa phrase en disant, quant à l'élite, ils admettent cela. Ils admettent que c'est quoi? Que c'est une ruse, que c'est quelque chose de trompeur. Mais ils interprètent cela comme le fait d'unir leurs compagnons sur leur religion. Et donc ils voient que cela leur est permis. Regardez ce qu'il va dire le cheikh ici. Il dit, وأما الخواص فهم يعترفون بذلك سنة جدي ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يبكت رواية الحديث على كل حال ثم ذكر هنا حكاية عن بعض الرهبان je vais traduire cette partie puis il va raconter une histoire qui s'est passée avec un moine dans un couvent encore une fois qui montre leur stratagème pour tromper les gens de la masse parmi eux. Il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quant à l'élite, je reviens à la phrase précédente parce qu'elle est importante, ils admettent cela, mais ils interprètent cela comme le fait d'unir leurs compagnons sur leur religion, et donc ils voient que cela leur est quoi? Permis. Et il y a en cela une ressemblance aux ignorants sots parmi les adorateurs, parmi Al-Karramiya. Contenez ce mot, c'est le nom d'une secte, hein? Al-Karramiya, qui voit la permission d'inventer des hadiths dans Al-Targhib wa Al-Tarhib. Et qui entre donc au sein de ceux au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est un texte, c'est une menace qui est forte, hein, c'est quiconque ment à mon sujet de manière intentionnelle, qu'il prenne sa place dans le feu. D'accord? Il y a plusieurs riwayats de ce hadith. Et pour les frères qui essaient de mémoriser ou qui ont mémorisé l'ulul marjan ou l'ulul marjan fi mattafaq alayhi shaykhan, c'est en fait l'ulul marjan fi mattafaq alayhi shaykhan, c'est un livre de hadith que le talab al-ilm en général ils aiment étudier par cœur. D'accord? C'est des hadiths qui sont muttafaq alayha, c'est-à-dire qui sont rapportés par le Bukhari ou Muslim. D'accord? Et quelqu'un parmi les gens de science a compilé ces hadiths. Et on a fait comment ce qu'on appelle al-lu'lu wal-marjan fi mattafaq alayhi al-shaykhan. D'accord? Beaucoup de tolab les mémorisent, etc. Et il y a une édition qui a été imprimée avec un tahqiq et un taqdim de certains mashir du Yémen. Hein, parmi les mashir salafi du Yémen. D'accord? Et quand vous regardez, si je me souviens bien, dans les premiers hadiths qui sont mémorisés, il y a ce hadith-ci. D'accord? Je vous donne le tahrij du hadith, c'est un hadith qui est mutawatir. On avait déjà rapporté dans certains cours qu'est-ce que voulait dire le hadith mutawatir. On a fait un PDF sur notre site spfvirmegan.com pour celui qui veut revoir la définition. Voir Tadrib al-Rawi, volume 2, page 177, et Nadm al-Mutanathir, page 28. Maintenant, l'histoire que je vous ai dite, que Cheikh Bazmoul va nous raconter. Assalam. Thumma dhakaraha huna hikayatan al-an ba'di al-ruhban. وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكريه من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوفا فإذا دخلت الريح يسمع أو يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منها وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب القبر عليهم لعائن الله والمتتابعة إلى يوم القيامة. Histoire que Cheikh Bazmoul raconte pour illustrer cette ruse, hein, que certains parmi les chrétiens utilisent. Il dit, puis il cita une histoire d'après un moine qui avait entendu le son d'un oiseau, dont la voix était triste et bougeait faiblement. Et lorsque les oiseaux l'entendaient, il compatissait avec lui et donc allait déposer dans son nid des olives afin qu'il, l'oiseau, puisse vivre de ce peu. Et donc, le moine qui a observé cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à fabriquer un oiseau lui ressemblant et il arriva à ce qu'il soit creux de l'intérieur. Et que donc, lorsque l'air y entre, soit entendu un son pareil à celui de cet oiseau. Et il s'isola dans un couvent qu'il avait construit et au sujet duquel il prétendit qu'il était sur la tombe de l'un de leurs vertueux. Et il y accrocha cet oiseau à un endroit de ce couvent. Et donc, lorsque la saison des olives arrivait, le moine, il ouvrait une porte d'un côté, et donc le vent entrait dans cette représentation de l'oiseau. Hein, comme cela, vous pouvez deviner qu'est-ce qui se passe. Hein, mais qu'il y a quoi? Qu'il y a le même son. Hein, et que donc le même son était entendu que celui de l'oiseau ayant aussi la même forme. Et la conséquence, c'est que les oiseaux, on avait dit, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu le vrai oiseau qui avait un son d'une certaine manière et qui bougeait de manière faible, etc. Ils ont compati. Regardez ce qu'il dit le cheikh ici, il rapporte, et donc le même son était entendu que celui de l'oiseau ayant aussi la même forme. Et donc les oiseaux arrivaient portant beaucoup d'olives. Et donc les chrétiens ne voyaient que ces olives dans le couvent sans en connaître la raison. Et donc il les troubla pour cela. Fatanahum bidhalik, il a dit le cheikh. Il leur fit croire que c'était en raison des miracles que de celui qui était dans la tombe. Que les malédictions d'Allah soient sur eux, se succédant les unes aux autres jusqu'au jour de la résurrection. Donc vous voyez comment il est arrivé à faire une fitna, à leur faire croire des choses qui sont fausses, juste par un stratagème qui est le fait qu'il a observé quelque chose, et il s'est mis à construire cet oiseau, creux, etc. Jusqu'à la fin de l'histoire que vous connaissez maintenant. Maintenant, le sixième type de sihr. Qal al-Razi. النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات قال واعلم أن لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أثر المنغاطيس مشاهد قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتخيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات Sixième type, Razil dit, le sixième type de sihr, c'est des propriétés des remèdes, c'est-à-dire dans les aliments et les baumes, ad-dihanat, les crèmes, les baumes. Il dit, et sache qu'il n'y a aucune voie pour dénier les propriétés, car l'effet de al-munghatis, c'est quoi en français? L'aimant. D'accord? L'aimant, il a des propriétés, c'est vrai ou pas? D'accord? Il dit, car l'effet de l'aimant est observé. Je dis, c'est-à-dire le Cheikh Bezmoul, Hafidahullah, Cheikh Mohamed Bezmoul, entre dans cette catégorie beaucoup de ceux qui prétendent la pauvreté et trompent les ignorants parmi les gens avec ces propriétés prétendant que ce sont des états de sa part ou de leur part, dans lesquels ils se mélangent au feu et tiennent les serpents et autres parmi les choses qui sont impossibles. D'accord ? قال النوع السابع من السحر تعليق القلب هو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون ذلك السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة فإذا حصل الخوف ضعفت القوة الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء قلت وهذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. Si quelqu'un venait faire une remarque et dire que c'est un des cours les plus techniques qu'on ait fait, je ne serais pas contre. Je serais peut-être même un peu d'accord avec lui. Donc accrochez-vous, mais le cours il est tel qu'il est. Il dit le septième de sihr, c'est l'accrochage du cœur, ta'liq al-qalb. Et c'est que le magicien prétende qu'il connaît le nom suprême. Et que les djinns lui obéissent et se soumettent à lui dans la plupart des choses. Et si cela coïncide avec le fait que celui qui entend cela est faible d'esprit et a peu de discernement, qalil al-tamyiz, da'if al-aql, il croit alors que c'est une vérité. Et donc, qu'est-ce qui se passe à son cœur? Il s'accroche à lui. Il se passe au sein de lui qu'il a un genre de terreur et de peur. Et si la peur se réalise, les forces de perception s'affaiblissent. Et donc, à ce moment-là, le magicien peut faire ce qu'il veut. Je dis, c'est Cheikh Bezmoul qui parle, Cheikh Mohamed Bezmoul, ce genre est appelé At-Tanbala. Et ce n'est propagé qu'aux faibles d'esprit parmi les fils d'Adam. Et il y a dans la science de la physionomie, ilm al-firasa, ce qui oriente vers la connaissance de la distinction entre celui dont la raison est complète et celui dont la raison est diminuée. Et donc, si le mutanbil, du mot talbala qu'on vient de dire, est un expert dans la science de la physionomie, il sait distinguer parmi les gens entre celui qui va se soumettre à lui et l'autre. D'accord ? Huitième et dernier type de sihr qu'on va citer, Inch'Allah. قال النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس. قلت النميمة على قسمين، طارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وإتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من ينم خيرا، أو يكون على وجه التخديل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعة أو خدعة كما فعل نعيم بن مسعود في التفريق بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، وجاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت، وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة، والله المستعان. وعليك السلام. Le huitième, il dit, الرازي, le huitième type de sihr, s'efforcer dans la namima et semer la discorde entre les gens de manière légère et subtile, et cela est répandu entre les gens. Je ne sais pas comment, en général on traduit le namima en français. Médisance. Et c'est, comment on dit la riba alors? Colportage. On avait défini dans un de nos cours, on avait dit que Cheikh l'Éthiopie, il avait dit que namima, c'était naqlul kalam ila al-ghayr ala wajh al-ifsad. C'est que tu amènes une parole de quelqu'un vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui dit une parole sur quelqu'un, toi tu la rapportes à l'autre, de manière à quoi? À causer la corruption, la discorde. Donc moi je traduirais plutôt par colportage de la médisance. D'accord? Hein? Non? D'accord? Donc ici, il dit, il va expliquer tout ça, les différentes catégories de namima. Il dit, s'efforcer dans la namima et semer la discorde entre les gens de manière légère et subtile. Hein, latifa, subtile. Et cela est répandu entre les gens. Je dis, cher Bezmoul, hafidahullah, un namima est de deux catégories. D'accord? Parfois, elle se fait de manière à semer la zizanie entre les gens. Il y a divisé les cœurs des croyants et cela est illicite à l'unanimité. D'accord? Tandis que si c'est de manière à réconcilier des gens et à unir la parole des musulmans, comme cela a été rapporté dans le hadith, n'est pas menteur celui qui rapporte un bien. Le hadith l'est rapporté dans le Bukhari Muslim, c'est un hadith muttafaqun alayh. Où c'est de manière à vaincre et diviser les armées des mécréants. Et cela est une chose demandée comme cela a été rapporté dans le hadith. Alors maintenant il a dit ici, c'est une chose qui est comment? Qui est demandée. Alors que la première, qui est pour semer la zizanie, il a dit que c'est une chose qui est illicite. Et le hadith il dit quoi? La guerre est ruse. Et c'est un hadith qui est aussi muttafaqun alayh, qui est aussi rapporté par le Bukhari au Muslim. Il donne un exemple qui s'est passé. Et comme fit Nu'aym ibn Mas'ud lorsqu'il sema la division dans l'unité entre les coalisés et Qurayza. Lorsqu'il alla chez les uns et leur rapporta une parole des autres, puis rapporta au premier de ceux-ci une parole différente, puis raccommoda cela. Et donc les esprits s'éloignèrent les uns des autres et se divisèrent. Et ne peut faire de même que l'intelligence et la clairvoyance perçante. Et c'est d'Allah seul que nous implorons l'aide. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « Tafriq bayna al-jumu' al-kafara » qu'il y a des armées de mécréants et des jumu' de kafara. Hein? C'est de faire cela de manière à quoi diviser leurs forces. On continue. Al-Razi l'a dit. ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت القائل شيخ بزمول حفظه الله تعالى. وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة، أنا غوفي على التعريف اللغوي كنا دي، ها؟ عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لا سحرة. D'accord؟ Puis Razi l'a dit, c'était donc en général la parole au sujet des catégories de sihr et de l'explication de ces types et de ces genres. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Mohamed Bazmoul, il n'a fait entrer beaucoup de ces types qui ont été cités dans la science du sihr qu'en raison de la subtilité de ses sources. D'accord? Et car le sihr, dans le sens linguistique, est, et ça je vous avais dit qu'on essayait de retenir ça, Inch'Allah, c'est quoi? عِبَارَةٌ عَمَّا لَطُفَ وَخَفِيَ سَبَبُهُ. Essayez de retenir, c'est vraiment très court. عِبَارَةٌ عَمَّا لَطُفَ وَخَفِيَ سَبَبُهُ. D'accord? En français, une expression pour ce dont la cause est subtile et cachée. On avait traduit par menu l'autre fois, mais je trouve que le mot subtil, il est meilleur ici. Subtil et caché. Mais c'est pour cela qu'il était rapporté dans le hadith. Il y a certes dans l'éloquence un sihr. Une faïda que je vous donne de Cheikh Al-Fawzan dans un de ses livres, il a dit que le bayan ici, quand c'est pour la sunnah et que pour amener le haq, alors c'est un khair. Et quand c'est pour le batil, alors l'éloquence, quand c'est pour le batil, c'est alors quoi? Un mal. Quand c'est pour le faux, c'est un mal. D'accord? Il y a certes dans l'éloquence un sihr. Et c'est une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, quelque chose qui va nous aider à comprendre le sens linguistique du mot sihr. Vous connaissez des mots qui sont très proches de ce mot-là, qui sont par exemple as-suhur, d'accord, ou bien as-sahr. Et des mots comme ça, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent dire aussi. Il dit وَسُمِّي السُّحُورُ لِكَوْنِهِ يَقَعُ خَفِيًّا آخِرَ اللَّيْلِ. D'accord. Et as-suhur est appelé de cette manière en raison du fait qu'il est de manière cachée à la fin de la nuit. Et as-sahr, c'est al-ri'a. وَهُوَ c'est pas ri'a, hein. Ria, peut-être que les Maghrébins ils savent ce que ça veut dire, c'est le poumon. Hein? C'est quelque chose qu'on mange d'ailleurs, hein, quand on fait dhabiha. D'accord? Ria, vous voyez, mahal al-ghada. Ou al-ghira. Wa soumil bidalik al-ikhafa'iha wa lutfi majariha ila ajza'i al-badan wa ghuduni. Kama qala Abu Jahlin yawma badrin li'utba, intafakha sahruk, ay intafakhat ri'atuhu min al-khawfi. Le mot al-sahr. Avec le fatha, al-sahr, c'est le poumon. Et c'est la place de la nutrition. Alors cette phrase ici, c'est la place de la nutrition. Je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle il a dit ça, le shir. Sarahatan. Hein? Je ne suis pas médecin. D'accord? On sait qu'il faut savoir que la nutrition, elle peut jouer sur le poumon. D'accord? Hein? On ne va pas rentrer dans le temps facile de la médecine, etc. Mais ça peut jouer sur le poumon et les maladies du poumon, etc. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Ici, on va laisser ça comme ça, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on lui pose la question au Cheikh. Il a été appelé de cette manière en raison de son caractère caché, al-sahr ici, et de la subtilité de ses voix vers les parties du corps et ses replis. Comme Abu Jahl, regardez la langue arabe, comme Abu Jahl, il a dit à Utba le jour de la bataille de Badr, il lui a dit intafakha sahruka. Le sahr ici, le mot. C'est-à-dire quoi? Que son poumon s'est gonflé de peur. Et puis il rapporte un autre exemple, il dit وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. D'accord? C'est la description de la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. Et Aïcha رضي الله عنها l'a dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est décédé alors qu'il était entre سحري ونحري, c'est-à-dire entre mon poumon et ma gorge. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et puis il rapporte un verset du Coran, le Cheikh, il dit وَقَالَ تَعَالَى سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ أَيْ أَخْفَوْ عَنْهُمْ عَمَلَهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Et Allah dit, c'est dans la traduction du sens, et ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent. Surat Al-A'raf, verset 115. C'est-à-dire سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ, ils leur ont caché leur action. Et Allah est le plus savant. Maintenant on a un chapitre, Fasl. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر فقال أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر وهذا من يعتقد وكذا عفوا من يعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. Chapitre et Al-Wazir Abu Mudaffar Yahya ibn Habira ibn Muhammad ibn Habira a cité dans son livre Al-Ishraf على مذاهب الأشراف un chapitre au sujet du sihr. Il dit, ils sont unanimes sur le fait que le sihr a une réalité, à l'exception faite d'Abu Hanifa qui a dit il n'a pas de réalité pour lui. Ils ont divergé au sujet de celui qui apprend le sihr et l'utilise. Abu Hanifa et Malik et Ahmed ont dit, il devient mécréant par cela. Et il y a parmi les compagnons d'Abu Hanifa ceux qui ont dit, s'il l'apprend pour s'en protéger ou pour s'en écarter, il ne devient alors pas mécréant. Et celui qui l'apprend en croyant que c'est permis ou que cela le bénéficie, mécroit. Et de même pour celui qui croit que les démons lui font ce qu'il veut, il est mécréant. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يجيب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يجيب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. الشافعي grand imam رحمه الله il a dit, si il a appris le sihr, nous lui disons, décris-nous ton sihr. Et s'il décrit ce qui nécessite la mécréance, comme ce qu'ont cru les gens de Babylone, hein, on avait dit c'est Babyl dans le dars précédent, en cherchant à se rapprocher de cette planète par des actes d'adoration, et qu'elle font ce qu'il en perçoit, il est alors mécréant. Et cela n'implique pas la, et si cela n'implique pas la mécréance, mais qu'il croit que c'est licite, il est alors mécréant. Donc pour les frères qui n'étaient pas là au cours précédent, il y a les notes en PDF et l'audio sur notre site. Puis il cite une parole d'Ibn Habira, il dit « قال Ibn Habira » وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله فقال مالك وأحمد نعم وقال الشافعي وأبو حنيفة لا فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا. On va traduire la première question, Inch'Allah, sa réponse. Donc Ibn Habira, il a posé une question, il a dit, est-il exécuté dès qu'il le fait et le met en pratique, c'est-à-dire le sihr. Alors par rapport au mot exécuté, ici j'ai traduit de manière, j'ai dit exécuté pour une raison, j'ai pas dit tuer. Pourquoi? Car ce type de sentence ne peut être appliqué que dans un cadre légal et judiciaire par les gens qui détiennent le commandement dans les pays musulmans, et ceux à qui ils en ont donné la responsabilité et la charge. C'est pas quelqu'un qui dit khlas, ça c'est un hal, chacun prend son sabre et il y va. Là, ça c'est le fawda, ça. C'est pas comme ça que ça se passe dans le système, hein, judiciaire et législatif musulman. Donc ici, on a dit, est-il exécuté dès qu'il le fait et le met en pratique? Malik et Ahmed ont dit oui. Tandis que Shafi'i et Abu Hanifa ont dit non. Tandis que s'il a tué une personne par son sihr, il est alors exécuté selon Malik et Shafi'i et Ahmed. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et Abu Hanifa a dit, il n'est pas exécuté tant que cela n'est pas répétitif de sa part ou qu'il n'affirme pas cela au sujet d'une personne spécifique. Et s'il est exécuté, il est exécuté ce qu'on appelle en arabe haddan, par sentence légale. Chez eux, à l'exception de Shafi'i qui a dit, il est exécuté alors que la situation est telle qu'elle, comme on dit, c'est-à-dire en application de la loi du talion. Il dit, deuxième question, وَهَلْ إِلَا تَابَ السَّاحِرُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فَقَالَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةُ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمَا لَا تُقْبَلُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى تُقْبَلُ وَأَمَّا السَّاحِرُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُقْتَلْ كَمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ الْمُسْلِمُ وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَا يُقْتَلْ يعني لقصة لبيد بن أعصاب واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس وقال الثلاثة أي مالك والشافعي وأحمد حكمها حكم الرجل والله أعلم. Deuxième question, ils ont dit, il a dit, est-ce que le repentir du magicien est accepté s'il s'en repent? Malik, Abu Hanifa et Ahmed, dans ce qui est connu de deux, on dit, l'avis qui est mashour, on dit il n'est pas accepté. Et Shafi'i et Ahmed, vous avez dit, mais tu as déjà cité Ahmed ici. Non, et moi tu rapportes quelque chose d'autre d'Ahmed, parce que des fois il y a riwayatan an Ahmed. Il est possible que d'un imam soit rapporté deux riwayats du même imam. D'accord? Et Shafi'i et Ahmed, dans un autre avis rapporté de lui, on dit il est accepté. Quant au magicien parmi les gens du livre, pour Abu Hanifa, il est exécuté comme le magicien musulman est exécuté. Et Malik et Shafi'i et Ahmed ont dit, il n'est pas exécuté. C'est-à-dire en raison du récit de l'Abid ibn Asam. Vous connaissez l'histoire de l'Abid ibn Asam? C'est pas grave, si vous ne la connaissez pas, on va la rapporter à la fin de ce cours, inshallah, en détail. Dans un hadith qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, inshallah. Ils ont divergé au sujet de la magicienne musulmane maintenant. D'accord? La femme. Pour Abu Hanifa, elle n'est pas exécutée, mais elle est emprisonnée. Et les trois, c'est-à-dire qui? Malik, Shafi'i et Ahmed, ont dit son jugement est le jugement de l'homme et Allah est le plus savant. وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون حدثنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره. Et Abu Bakr al-Khalal, il a dit, Abu Bakr al-Marwazi nous a informé disant, Omar ibn Harun a lu à Abu Abdillah. C'est qui Abu Abdillah? C'est le surnom, la kunya de qui? De l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. C'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, qu'il a lu à Abu Abdillah, c'est-à-dire qu'il a lu à Ahmed ibn Hanbal. Que Younous nous a rapporté d'après Zuhri, qu'il a dit, le magicien parmi les musulmans est exécuté. Et le magicien parmi les gens du livre n'est pas exécuté. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé par une femme juive. Et il ne l'a pas quoi? Il ne l'a pas exécuté. Et Al-Qurtubi, il a rapporté de Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit au sujet du dhimmi. Et dhimmi, il y a une différence entre dhimmi, ou al-harbi, ou al-musta'min. Ou al-musta'man. Cheikh al-Fathaymin, si je me souviens bien, il avait dit que le plus correct, c'est dire al-musta'min. Ala kulli hal, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vais vous donner une référence si vous voulez rentrer dans le détail. Al-dhimmi, c'est celui qui paye la jizya. C'est celui qui paye ce qu'on appelle en français la dîme d'ailleurs. Hein? Je crois que même le mot dhimmi. Hein? C'est un koufar qui paye. Non. Koufar, c'est un pluriel. Hein? D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est devenu un terme français. D'accord. La dîme ou dhimmi ou etc. Revenez, Inch'Allah, au livre dans la langue française, etc. Le Kouham, c'est un terme arabe qui est dhimmi, c'est celui qui paye la jizya. Comme Cheikh Al-Fawzan, il l'a dit, Hafidahullah Ta'ala. Je vous donne une référence pour celui qui veut plus de détails sur ce qui est dhimmi et Ahl Dhimma et Ahkam Ahl Dhimma, parce qu'ils ont des Ahkam. C'est-à-dire, c'est qui Ahl Dhimma? C'est qui sont considérés comme étant les gens de la Dhimma et qui peuvent être considérés comme être Ahl Dhimma? D'accord? Et c'est quoi leur jugement, etc.? Il y a le fameux livre de Cheikh Al-Uthaymeen qui s'appelle Al-Sharh Al-Mumti'. Qui connaît ce livre? Al-Sharh Al-Mumti'. Je cite souvent dans mes cours. Al-Sharh Al-Mumti'. Il est ici dans la mosquée. Sur une étagère. Personne? Je sais qu'il y en a qui l'ont à la maison. Donc s'ils ne savent pas c'est quoi, il y a un problème. C'est un livre de fiqh. D'accord. Mais c'est l'explication d'un livre de fiqh. De qui? Ah là, c'est l'explication Zal Mustaqna' de Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Fawzan, l'explication aussi de Zal Mustaqna' de Cheikh Al-Uthaymeen, il y en a une qui est très complète et qui ont 15 volumes. D'ailleurs, à l'époque, quand on l'achetait, il sortait en volume. Jusque dernièrement, ils ont fait une édition officielle, hein, reconnue par Mouassassat Cheikh Al-Uthaymeen, etc., et d'ailleurs publiée par eux, hein, qui est en 15 volumes. D'accord? Sharh Al-Mumti', dans le 8e volume, le 8e des 15e volumes, des 15 volumes, il y a dans le 8e, il y a un chapitre qui concerne ça. Sur Al-Dhimma, c'est quoi Al-Dhimmi et c'est quoi Al-Dhimma et Ahkam Al-Dhimma. Le 8e volume, d'accord? C'est donc le Sharh des Al-Mustaqni', qui est un maître dans le Fiqh al-Hanbali, comme tu as dit très justement, expliqué par Cheikh Al-Uthaymeen. C'est un maître très connu que beaucoup de nos chers contemporains ont expliqué. Comme je l'ai dit, Cheikh Al-Fawzan, son Sharh il est sorti il n'y a pas longtemps aussi. Hein. Je ne me trompe pas, Cheikh Al-Fawzan, il fait 4 volumes, 4 ou 5. Moi, je pense que c'est 4. 4, hein? 4. 4 volumes. On continue. Je l'ai dit, j'ai beaucoup de cours, c'est comme ça que le Talib Ilm se construit. On cite des sources, essaie d'aller les voir, essaie de lire. Alors, on a parlé du Dhimmi, mais c'est quoi la Dhimma? C'est quoi Ahkam al-Dhimma? Prenez des notes, des définitions. Les définitions, elles se mémorisent. Voilà, une fois que tu as mémorisé c'est quoi la dhimma et c'est quoi le dhimmi et c'est quoi le ahkam, tu résumes ça en quelques points. Alhamdulillah, tu l'as fait une fois, Inch'Allah, pour la vie, tu le revois de temps en temps. D'accord? Et voilà, tu as cette notion dans le fiqh que tu as mémoriser et que tu maîtrises, bidnillah ta'ala. Et d'ailleurs, il y a une question qui est posée dans le site de Cheikh Al-Fawzan, qui est la différence entre Zimmi ou Al-Musta'min et Al-Harbi. C'est des notions qui sont importantes de comprendre. C'est quoi les différents types de kuffar, hein, Al-Harbi ou Al-Musta'min ou Zimmi, etc. On continue la parole ici de Cheikh Bazmoul dans son livre, qui cite, qui dit que Al-Qurtubi a rapporté de Malik al-Ifa Miséricorde, qui a dit au sujet du Dhimmi, justement, qui a fait de la magie. Un Dhimmi qui a fait de la magie. Il est exécuté si sa magie a tué. Puis il dit وَحَكَى بْنُ خُوَيْزْ مِنْ دَادْعِ مَالِكٍ رِوَايَتَيْنِ فِي الذِّمِّ إِذَا سَحَرَ إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلْ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ يُقْتَلْ وَإِنْ أَسْلَمَ. Donc ici Ibn Khouwayz Mindad a rapporté de Malik deux narrations au sujet du Dhimmi qui a fait de la magie. D'accord, riwayatayn, deux de l'imam Malik. La première qui lui est demandé de se repentir, on demande au Dhimmi de se repentir, et il se convertit à l'islam, sinon il est exécuté. La deuxième qu'il est exécuté même s'il se convertit à l'islam. D'accord. وأما السحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر سورة البقرة. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله فإن قتل سحره قتيلا. قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. On continue, c'est un peu trop d'ahkam là de, hein, vous avez vu que Cheikh il a détaillé dans le sihr, masha'Allah. C'est important, je pense, peut-être, en tout cas, de traduire ce qu'il a dit le Cheikh, parce que c'est le charh qu'on a choisi de faire depuis le début. Et c'est important, peut-être, de connaître ce genre d'ahkam et de, en détail, je veux dire. Quant au magicien musulman, si sa magie contient une mécréance, il est alors mécréant. Et ce, pour les quatre imams et autres que. Donc, alors, il n'est pas musulman. Et ce, en raison de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, mais ceux-ci n'enseignent rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne soit pas mécréant. Surat al-Baqarah, verset 102. Mais Malik a dit, si cela est apparent sur lui, se repentir n'est pas accepté comme car il est comme Zindiq. Et s'il se repent avant que cela apparaisse sur lui et nous vient repentant, nous l'acceptons et nous l'exécutons pas, mais si sa magie a tué, il est alors exécuté. Al-Shafi'i rahimahullah, il a dit, s'il dit, je n'ai pas eu l'intention de tuer, c'est-à-dire qu'il a fait le sihr mais il n'a pas eu l'intention de tuer la personne, il est alors quelqu'un qui a commis une erreur et lui incombe alors le prix du sang, ce qu'on appelle le diya. Un point, il dit Cheikh ici, mas'ala. Ça c'est un point très important. Fa'ajaza Sa'id ibn al-Musayyibi fima naqalu an al-Bukhari وقال عمر الشعبي لا بأس بالنشرة. Et ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Faut faire attention à ce que ça veut dire ici, النشرة. الذي حرر أن المراد من المسيب والشعبي بالنشرة هو الرقية التي يعالج بها المسحور التي لا تخالف الشرع. انظر فتح العزيز في بيان حقيقة النشرة والرد على من أجاز حال السحر بسحر عن المسحور. لممدوح بن تركي بن محمد القحطاني من منشورات مكتبة الرضوان. Ici on va faire un point qui est important, restez concentrés, barakallahu fikoum. Un point, demande-t-on au magicien le dénouement de son sihr, qu'il dénoue son sihr, halla sihri. Sa'id ibn al-Musayyib l'a autorisé, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire comme qu'il a autorisé, c'est pas comme certains le croient, comme cela a été rapporté de lui par al-Bukhari. Et Amir al-Sha'bi a dit, il n'y a aucun mal à faire un nushrah. D'accord. Un nushrah, je vous donne une référence. Cheikh Al-Uthaymeen, dans le Qawl Mufid, à la Kitab al-Tawhid. Vous savez, c'est quoi le Qawl Mufid? C'est l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, de Kitab al-Tawhid, de Cheikh Mohammed Rahmahullah Ta'ala. C'est une des explications les plus complètes. Alors, quelqu'un qui veut une explication de Kitab al-Tawhid en détail, qui prenne celle de Cheikh Al-Uthaymeen, elle fait 1200 pages. En deux volumes. Si je me souviens pas bien, volume 1, page 553, il définit le nushra. Il dit que le nushra, c'est hal sihr al-mashour. c'est le fait de dénouer le sihr du mashour. D'accord, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire ici. D'accord, que c'est pas le fait de dénouer le sihr par le sihr. Il dit, il s'est regardé la précision de Cheikh Mohamed Bazmoul, Hafidahullah, ici en bas de page, il dit, la précision a été faite que le sens voulu par le Mushra, par Ibn al-Musayyib, qui est rapporté par le Bukhari, et par Al-Sha'bi, c'est la ruqya, par laquelle on soigne celui qui a subi le sihr, al-Mashour. La ruqya, quelle ruqya? Allati lam tukhalif, al-Shara', qui ne transgresse pas la législation de l'islam. Voir l'épître Fath al-Aziz fi bayan haqiqat al-nushra wa ar-radd, c'est un livre qui est une réfutation wa ar-radd ala man ajaza hal as-sihr bis-sihr. Le Cheikh Al-Fawzan, il a fait une préface d'un radd sur quelqu'un qui a autorisé le fait de dénouer le sihr par le sihr. Cheikh Al-Fawzan dit que c'est interdit de faire ça. Ça c'est clair, on a compris, hein. Donc vous avez compris maintenant c'est quoi le sens d'ici de ce qui a été dit. Je vous donne l'édition de la Risala, si vous voulez la voir, le nom de l'auteur, c'est Mamdouh ibn Turki ibn Muhammad al-Qahtani aux éditions Maktabat al-Ridwan. Maintenant, on continue dans le livre. Wa kariha dhalika al-Hasan al-Basri wa fi sahih an Aishata radhiyallahu anha anha qalat ya Rasul Allah, regardez le mot ici, hala tanasharat fa qala ama wallahi ama Allah faqad shathani wa khashitu an aftah ala an-nas sharra. Maintenant, on va être obligé de rapporter tout le hadith et de rapporter le sens du hadith, Inch'Allah. On traduit déjà cette partie-là. Al-Hasan al-Basri, il a interdit cela. Et dans l'authentique, d'après Aïcha, qu'elle a dit, radiallahu anha, au messager d'Allah, hala tanasharat. On va voir ce que ça veut dire tanasharat. Inch'Allah. Il dit, alayhi salatu wassalam, Allah m'a guéri et j'ai eu peur d'ouvrir aux gens un mal. Maintenant, on va voir le hadith, qu'est-ce que ça veut dire, et la formulation, elle est dans le Bukhari, parce que le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim. Il y a plusieurs formulations du hadith. Et dans le Bukhari, il est rapporté dans le chapitre de la médecine, Kitab al-Tib. Bab hal yustakhraj al-sihr. Et dans Muslim, Kitab al-Salam, Bab al-Sihr. Hein? C'est aussi le chapitre qui s'attache à étudier ce qui touche le sihr dans Sahih Muslim. Wallah de al-Bukhari, et la formulation qu'on va citer ici, elle est de al-Bukhari. عن ابن عيينة et on va rapporter l'histoire de l'Abid qui ابن أعصم عن ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحيرا حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما تقطع علماء ils ont dit que c'est deux anges dont l'un est Jibril رجلان il y a une discussion pour savoir est-ce que c'était en état de éveillé hein ou est-ce que c'était pendant le sommeil en rêve etc. on va pas entrer dans les détails etc. à la coulihad رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل قال مطبوب ça veut dire quoi مطبوب مسحور c'est ça que ça veut dire مسحور مطبوب قال وما طبه ها قال لبير بن أعصم رجل من بني زريق حريف اليهود كان منافقا قال وفيما قال في مشط ومشاقة ici il y a plusieurs alphades, il y a plusieurs formulations par rapport à مشط ومشاقة, il y a plusieurs manières qui ont été rapportées, on va dire en tout cas cette manière, on va la traduire d'une certaine manière inshallah. وقال وأين قال في جوف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أوريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج قالت فقلت regardez la parole de Aïcha, comment on essaie de de définir. فَقُلْتُ أَفَلَا أَيْ تَنَشَّرَتْ فَقَلَ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا. Je traduis tout, je lis tout en arabe, on s'en traduit tout, inshallah. قَوْ أَقُولْ, c'est-à-dire qu'il قَائِلْ, Cheikh Bazmoul, حَفِدَهُ اللَّهُ, قَوْلُهُ أَفَلَا أَيْ تَنَشَّرَتْ لَمْ يَأْتِ عَنْ عَائِشَةَ صَرِيحًا صَحِيحًا أنها قالت أَفَلَا تَنَشَّرَتْ والذي ذكر أو ذكر تنشرت هو أحد الرواة بما فهمه من المعنى والمراد بها ليس هو النشرة أو بمعنى حل السحر بالسحر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شفاه الله ورقاه جبريل فلم يكن يحتاج إلى النشرة النشرة هذه وإنما مرادها أفلا أظهرت جزئيات هذا السحر ليطلع عليه الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا يعني فيتعلم الناس السحر بسبب ذلك ويدل على أن هذا هو مرادها أنه جاء في رواية مسلم بلفظ قلت يا رسول الله فأخرجه والله أعلم. من أدخل يسوح حديث La formulation de Bukhari est la suivante. Ibn Uyayna rapporte la première chose que nous est narrée Ibn Jurayj est qu'il a dit que Al-Urwah m'a rapporté d'après Urwah, et j'ai donc questionné Hisham à son sujet qui m'a rapporté d'après son père qui rapporte de Aïcha qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'il vous a donné la chaîne de transmission. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut ensorcelé à tel point qu'il voyait qu'il avait un rapport avec ses épouses alors qu'il n'en avait pas. Et Soufiane ibn Uyayna, il a dit, et cela est le genre de sihr le plus sévère, s'il est tel quel. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Oh Aïcha, ne sais-tu pas qu'Allah m'a informé sur ce au sujet duquel je l'ai questionné ? Deux hommes sont venus, l'un s'assit à ma tête et l'autre à mes pieds. Et celui qui était à ma tête dit à l'autre, « Qu'arrive-t-il à l'homme ?» Il répondit, il a subi un sihr, matboub en arabe on a dit. C'est-à-dire mashour. Et il dit, qui lui a fait du sihr? Il répondit, Labid ibn Asam, un homme de Banu Ruzayq, allié de juifs et qui était un hypocrite. Et il dit, et dans quoi? C'est-à-dire, dans quoi est le sihr? Il répondit, fi mushtin wa, ici dans l'af qu'on a rapporté, wa mushaqatin. D'accord? Nous on va traduire ça par mushtin. En arabe, on peut dire mushtin ou amist. Biddam ou al-kasr. C'est quoi? C'est un panier. D'accord? Et une filasse. Différents paroles des savants par rapport à la filasse ici. Certains ulama, ils ont dit que c'est une filasse de cheveux ou autre. D'accord? C'est-à-dire que quand on utilise un peigne, qu'est-ce qui reste après? Il reste hein, des cheveux, ou quand c'est la barbe, il reste des poils de barbe. D'accord? Il dit, et où? Dans un creux d'un spadis de palmier mâle. Sous une pierre dans le puits de Darwan, dans un puits. Elle dit à Aïcha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alla donc au puits et le fit sortir, ce sihr. Et dit, c'est le puits qui m'a été montré et c'est comme si son eau, ici il a dit en arabe, وَكَأَنَّمَا مَاءَهَا, je me rappelle le lafz d'ici, نُقَاعَةُ الْحِنَّةِ. Nuqa'atu al-hinna. C'est-à-dire que c'est comme si son nom était de la macération de henné, al-hinna, al-hinna, de henné. Et c'est-à-dire que quoi que ça montre en fait comment l'eau elle s'est, elle a changé de couleur par rapport à ce qu'il y avait dans le puits en fait, c'est ça. D'accord? Et c'est comme si les palmiers, c'est toujours la parole du prophète alayhi salatu wassalam, hein. Et c'est comme si les palmiers qui se trouvent dans le jardin où se trouve le puits étaient les têtes des démons. D'accord? Il dit, et donc le sihr fut sorti, elle dit, je dis, et là on va voir ce qu'est le mot, tanasharat. Je dis, tanasharat, il répondit, Allah m'a guéri. Alayhi salatu wassalam, il a dit, Allah m'a guéri, et je déteste qu'un mal soit amené à quiconque parmi les gens. Maintenant, on a besoin de comprendre cette parole. Cheikh Mohamed Bazmoun nous l'explique, hafidhahullah ta'ala, et il dit, sa parole, afala aytanasharat, cela n'est pas venu d'Aïcha de manière explicite et authentique. Qu'elle a dit, afala tanasharat. Mais celui qui a dit tanasharat, c'est l'un des rapporteurs en fonction de ce qu'il a compris du sens. Et le sens de cette parole n'est pas un nushra, dont le sens est de dénouer la sorcellerie par la sorcellerie. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été guéri par Allah. Et Jibril lui a fait la ruqya. Et donc il n'avait pas besoin de cette nushra, mais le sens de cela n'est que, n'as-tu pas montré les détails de ce sihr afin que les gens le voient? Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah m'a guéri et je déteste qu'un mal soit amené à quiconque parmi les gens. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire que les gens apprennent la sorcellerie en raison de cela. Ils ne voulaient pas que cela arrive. Et ce qui indique que tel était ce qu'elle a voulu dire à Aïcha radhiallahu anha, c'est qu'il était rapporté dans la version de Muslim, la formulation, je dis, c'est-à-dire qui? Aïcha radhiallahu anha, ô messager d'Allah, fais-le sortir. Et Allah est le plus savant. D'accord? Et avec cela, on aura fini le cours pour aujourd'hui, inshallah. Et donc la fois prochaine, on aura juste quelques petits passages, on a quoi, peut-être... demi-page, une, deux, on va dire maximum trois pages à traduire, inshallah. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé de quelque chose au tout début dans le matin? On avait parlé de sarf wal, l'atf, on va en parler aussi, inshallah, l'atf. Rahmatullah. Parce qu'il va revenir, quand vous revenez à la page 164 ici, wa qulhu minhu sarf wal atf. Et définir, en fait, c'est quoi sarf, comme je vous l'avais dit au premier cours au sihr, j'avais dit qu'il allait définir c'est quoi sarf et l'atf, inshallah. Il y a des sarf al-rajul an zawjihi, hatta yakraha, wa yanfura anha, wa yanfir anha. Wa l'atf, tahbibu zawjati ila zawjiha, hatta yamila ilayha, wa yatlubu ridaha, wa yatluba ridaha. Et après cela, on pourra rentrer, inshallah, dans un naqd al-thamin, mudaharat al-mushrikin. Et c'est un dhabit ici, il y a des dhabits importants à connaître pour un salafi, pour réfuter les choubouhats des khawarij et des tekfiri et autres sectes qui ont beaucoup de choubouhats par rapport à ce naqid parmi nawaqid l'islam qu'il a cité Cheikh Mohamed bin Abdouhab rahimahullah ta'ala. Nous on veut le comprendre comme les ulama de la sunna salafiyoun l'ont compris, donc l'importance de faire le sharh de Cheikh Mohamed Bezmoun de ce 8e annulatif aussi, inshallah. والله اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Juste un point que j'allais oublier. J'ai pas oublié le fait que par rapport à l'ayn, vous savez que ce qu'on a dit par rapport à l'ayn, comment quand tu penses que quelqu'un fait l'ayn, que tu vas chez lui et tu lui demandes de se laver ou de faire les ablutions, et c'est juste ce que j'avais dit. Cheikh Fawzan il dit ça, Cheikh Ben Baz aussi. Cheikh Ben Baz il dit que s'il il se lave pas, qu'il fasse les ablutions. Et Cheikh Ben Baz il a dit même qu'il suffit qu'il se lave certaines parties du corps et qu'il te donne l'eau et que tu te laves avec. D'accord? J'avais dit qu'on allait essayer de traduire quelque chose des ulama par rapport à ça. Il y a une parole de Cheikh Ben Baz sur son, il y a plusieurs même sur son site. Il y a des paroles de Cheikh Fawzan, ça a été décrit en détail par les ulama. Mais on traduira peut-être un PDF ou on le rapportera dans le cours, inshallah. Ça, j'ai pas oublié. Donc, ça peut être par le rousl, par rapport au, vous reprenez au hadith qu'on a cité dans Sahih Muslim, wa ida istursiltum farsilu, ou bien si on te demande de faire le rousl, tu fais le rousl et tu donnes l'eau à la personne que, qui pense que tu lui as fait l'ayn. D'accord? Ou bien tu fais le wudu et tu lui donnes l'eau à la personne qui pense que tu l'as fait l'ayn, et alors elle se lave avec ça, et comme il a dit, Cheikh Ibn Baz, wa fayabra'u bi idnillahi ta'ala, avec la permission d'Allah, à ce moment-là, la personne elle guérit. D'accord? Jazakumullahu khairan, wa salamu alaikum. Donc le cours prochain, c'est samedi prochain après l'Isha. Inch'Allah, à partir de maintenant, c'est après l'Isha à 19h15. C'est, évidemment, si l'heure de l'Isha descend un petit peu, ben, on suit toujours l'Isha, on fait toujours en général une demi-heure après le temps de l'Iqama. Le temps de prier, de faire l'adkar et de faire les deux rak'at. Hein? Donc, aujourd'hui, on a prié 7h moins quart. Et donc, on a fait le dars à 7h15. Donc, ça, on devrait suivre cet exemple-là, Inch'Allah. C'est ça comme l'enfer. On rajoute une heure. Ils vont retarder l'Isha. Eh bien, on retardera le cours, hein? C'est tout. Inch'Allah. Mais je sais qu'il ne viendra jamais jusqu'à un moment. C'est vraiment très tard. Jusqu'à ce qu'on revienne à l'été. Hein? Voilà, c'est ça. Ce sera fixe pendant un certain nombre de mois, inshallah.